بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنحن مع معنى الطاغوت، وهي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونأخذها إن شاء الله بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Nous sommes toujours, c'est la deuxième assise, Inch'Allah, autour de l'interprétation de la signification du Tarot, qui est un épître de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdullah, Ibrahim Allah Ta'ala. Il nous prononce cet épître avec l'interprétation de Cheikh Fawzan, Hafidah Allah Ta'ala. Qal al-Musannif, Rahim Allah Ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على عادته أنه يبدأ الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يقول أئمة الدين رحمه الله، يقول العلماء أن هذا لأمور عدة: تبركا بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالقرآن الكريم، وتأسيا بسلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. Et souvent, Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullah, il commence ses livres, au lieu de faire khutbat al-haja, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci disent les hommes de science pour quatre points essentiels, à savoir prendre la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et suivre en cela le messager alayhi salatu salam quand il a écrit aux différents rois, aux gens à qui il a écrit alayhi salatu salam, et aussi suivre le Coran al-Karim et suivre la voie des pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim. Fa Cheikh قال: sache que Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de ses saintes miséricordes, que la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire à la descendance d'Adam, c'est le fait de mécroire et d'être infidèle à Tarot et de croire en Allah azza wa jal. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa qala rahimahullah ta'ala: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدليل على أن الله فرض على أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هو هذه الآية التي في سورة النحل. Et donc il a preuve comme quoi Allah سبحانه وتعالى la première des choses qu'il a fait obligatoire pour la descendance d'Adam, c'est le fait de mécroire en Tarot et de croire en Allah Azza wa Jal. C'est ce verset qu'il cite, rahimahullah ta'ala, dans sourate An-Nahl, où il est dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, le messager a dit à son peuple: adorez Allah et évitez ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là nous nous sommes arrêtés hier pour l'interprétation. فيقول رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Il dit رحمه الله تعالى: la suite là, comment mécroire en tarot, comment cela peut arriver, c'est que tu crois en tout ce qui s'adore en Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est faux, l'adoration qui est vouée à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. Et tu délaisses cette adoration, et tu la détestes, et tu prends comme mécréants les gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui désavoues, et tu t'en éloignes. Faqala al-Sharihu, hafidhahullah ta'ala, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, hada huwa ma'na wajdanibu al-Taghut. أي معنى واجتنبوا الطاغوت ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو الاعتقاد في أن العبادة التي كانت لغير الله سبحانه وتعالى فهي باطلة، والبعد عنها وتركها. قال: هذا معنى واجتنبوا الطاغوت، لا بد من هذه الأمور أن تعرف أولا ما هو الطاغوت ثم تجتنبه، ولا يكفي أنك تجتنبه، بل لا بد أن تعادي أهله وتبغضهم، لأنهم لماذا؟ لأنهم أعداء الله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا بد من هذه الأمور. الشيخ الفوزان ديكليغي نوتخ لونتين لاتسيل دي concernant ce passage où Cheikh l'Islam nous montre comment se fait la mécréance en tarot. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, ça c'est éviter tarot, éviter de, c'est-à-dire soyez infidèle à tarot et mécroyant en tarot. Il dit pour ce faire il faut un certain point, certains points qui sont cités dans la parole de Cheikh l'Islam Mohamed Abdelwahab rahmatullah alayh. Le premier, c'est que tu saches ce que c'est que tarot. Il est obligatoire que tu connaisses qu'est-ce que ça veut dire tarot. Hein? Deuxième, c'est que tu l'évites. Tu vites ce tarot. Hein? Parce que si, il faut que tu le connaisses auparavant pour que tu puisses l'éviter. Tu ne peux pas éviter quelque chose que tu ne connais pas. Et après, tu dis à vous, les gens qui adorent tarot, tu t'en éloignes, tu ne les aimes pas. Hein? Car ce sont les ennemis d'Allah. Car ce sont les ennemis d'Allah. Il est dit dans le verset, ou vous qui avez cru, ne prenez pas, ou vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, ou vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. C'est-à-dire, tu dois les désavouer, tu dois t'en éloigner. Et il est obligatoire d'avoir ces choses-là. Et ces choses-là sont obligatoires. Connaître tarot, ce que c'est. L'éviter, éviter les gens qui adorent tarot. Il est détesté pour Allah, il est désavoué pour Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله أولا أن تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن لك أن تجتنبه، كيف تجتنب شيئا مجهولا. الشيخ الفوزان de nous éclairer encore plus et de dire la première des choses c'est que tu connaisses ce que ça veut dire tarot. C'est quoi un tarot? Car si tu ne connais pas, comment tu peux l'éviter? Tu ne pourras pas l'éviter. Comment tu peux éviter quelque chose que tu ne connais pas, sur laquelle tu n'as aucune connaissance? يقول ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه. ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه. Et il dit deuxièmement, quand tu le connais, ça va être facile pour toi de l'éviter, parce que tu le connais. ثالثا إذا اجتنبته فلا بد أن تعاديه وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل. Troisièmement, quand tu l'as connu, premièrement, et tu l'as, il est facile pour toi de l'éviter, tu l'évites. Et après, quand tu l'évites, il est obligatoire que tu le prennes comme ennemi. Et que ceux qui l'adorent, tu les prennes comme tels aussi. Et tu les désavoues, et tu t'en éloignes. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. إيه شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى de dire le fait, qu'est-ce que ça veut dire, la signification, qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah عز وجل. C'est le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite et à qui il est obligatoire de rendre le culte. فيقول الشيخ الإسلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذا معنى لا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق لعبادة دون ما سواه وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار أو الأشجار أو الأوثان لا بد أن تكفر بهذا كله. هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن ما عبد من دونه فهو باطل. هذا لازم هذه العقيدة، لا بد لك في هذه العقيدة من هذه الأمور. الشيخ de nous dire qu'est-ce que ça veut dire la signification de la foi en Allah? Croire en Allah Azza wa Jal, ça implique quoi? Ça veut dire quoi? C'est que tu crois dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. et que tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux et c'est nul, et cette adoration elle est nulle et elle est fausse, que ce soit l'adoration vouée aux anges, que ce soit celle qui est vouée aux prophètes, aux vertueux, aux arbres, aux pierres, hein, aux statues, tout ça c'est faux. Et il est obligatoire que tu me crois en tout ça. C'est ça la signification du fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois dans ton cœur, d'une croyance irréfutable, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Et tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux, c'est nul, c'est non, c'est pas accepté. Et c'est ce que implique notre la croyance. C'est ce qu'implique la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakfi, يقول الشيخ الفوزان, ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك, ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك, فأنت تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله, ولكن يقول ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة, ما أقدر أن أقول إنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله. يقول الشيخ, نقول أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله, أنت على هذا النحو على هذا الشكل ما فهمت معنى لا إله إلا الله, ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت, وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا, ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد. فهذا أمر مهم à l'islam. Il dit, cher, il nous éclaire ici encore plus. Il dit, ça ne suffit pas le fait de prononcer, hein, avec ta langue la foi en Allah Azza wa Jalla, ça ne suffit pas. Mais il faut que ce soit une croyance irréfutable dans le cœur, ancrée dans ton cœur. Il ne suffit pas non plus que de vrai avec tes membres. Tu pries, tu jeûnes et tu dis, moi, je n'adore pas d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis, moi je sais pas, les gens qui adorent les tombes, hein, et qui adorent les mausolées, je ne peux pas dire qu'ils sont dans le faux. Ça suffit pas à l'islam. Je ne peux pas dire qu'ils sont dans le faux parce qu'ils jeûnent, ils prient, ils disent la ilaha illallah. Cher de dire, nous on te dit, tu n'as pas compris ce que ça veut dire la ilaha illallah. Et si tu as compris, si tu avais compris réellement ce que c'est que la foi en Allah Azza wa Jal, et ce que c'est que le fait de me croire en ta route, hein, tu ne les as pas compris. Croire en Allah et me croire en ta route, tu ne les as pas compris en agissant ainsi. Quand tu dis que, moi je ne peux pas dire, des adorateurs de tombes et ceux qui vouent le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas dire qu'ils sont dans le faux. Là, la personne n'a pas, qui a dit ceci, la personne n'a pas compris ce que ça veut dire, croire en Allah et me croire en ta route. Et chir de nous dire, si tu avais réellement compris, comme il se doit, tu aurais su que la foi en Allah, Azza wa Jal, ne peut être authentique, et véridique, et bonne, comme et croyons en ta route, en apparence et dans ton fort intérieur. En apparence avec ta langue et en ton fort intérieur dans tes croyances. Obligé. Hein? يقول وتخلص جميع انواع العباده كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. Et hein, ce passage là est très important. Ce passage que vient d'expliquer Cheikh Fawzan est très important parce que certains vont te dire, mais mes parents ou là, certains de ma famille, ils vont voir les mausolées, ils vont égorger pour le saint du village, ils vont faire, mais tous les années ils sont au pèlerinage. Est-ce que c'est faux ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est peine perdue. Oui, c'est peine perdue à l'islam. D'où l'obligation de comprendre réellement ce que c'est que la foi en Allah, et ce que c'est que le fait de mécroire en Tarot et son contraire. Parce que tu ne peux pas authentifier les actes des gens dans lesquels il y a le vrai et il y a le faux. Impossible. Impossible. L'adoration, c'est quelque chose qui doit être voué exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit y avoir rien d'autre. Hein? Pas, mais ils font rien de mal. Ils se réunissent tout simplement autour d'une tombe. Abadan akhal islam. Hein? La huppe. Il a été jalouse pour l'adora, pour que les gens ils se prosternaient pour le soleil autour de la reine de Saba. Il a eu pas été jalouse. Hein? Et toi, l'être humain qui a un cœur, qui a une raison, Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de beaucoup de choses, tu sais rien le fait de gorger pour autre qu'Allah? Hein? C'est impossible, l'akhal islam. Donc, d'où la nécessité de comprendre ce que c'est que réellement le fait de croire en Allah et le fait de me croire en Tarot, de comprendre réellement ce que ça veut dire La ilaha illallah et ce que ça veut dire Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et c'est tous nos erreurs, il vient de la mauvaise compréhension. Hein? Que nous avons des choses essentielles de notre religion et de la base des bases de notre religion qui est le monothéisme. فقال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه وتخرج جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. Il dit, شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه, il donne encore plus de détails. Il dit, et que toutes tes œuvres d'adoration, tu les fasses exclusivement pour Allah et tu l'avoues à personne d'autre qu'Allah سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الفوزان هذا معنى الإيمان بالله. هذا معنى الإيمان بالله أن تصرف العبادات كلها لله لا تصرف منها شيئا لغير الله كالذي يصوم ويصلي ويزكي ولكن يدعو غير الله. يا سيدي عبد القادر أعطيني, يا سيدي البدوي أعطيني, وهكذا. ويستغيث بغير الله, الإغاثة يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى. ويذبح لغير الله, هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء فهو مشرك, فهو مشرك. لا بد أن تكون جميع العبادات كلها لله, لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص. لا بد أن تكون العبادات كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ها اي ce passage que dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Cheikh Fawzan de dire de ce passage, ça c'est la signification de la foi en Allah azza wa jall, que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout acte d'adoration doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun acte ne doit être donné à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme celui qui jeûne, qui prie, qui fait la zakat, mais qui demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande aux morts en disant, ah, Sidi Abdel Qadr, donne-moi les enfants, ou Al-Badawi, donne-moi, ou ainsi de suite. Hein? Ou alors il cherche secours chez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans les difficultés, il demande le secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les morts. Ou alors il égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il a voué certains actes à Allah, il en a voué d'autres à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, c'est l'associateur. Tu ne peux pas l'appeler autre chose. C'est un associateur. Parce qu'il est obligatoire que tous les actes d'adoration doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran, Allah appartient à la religion pure. C'est-à-dire Allah n'accepte que ce qui est pur, que ce qui est fait sincèrement pour lui, que ce qui est fait exclusivement pour lui. Hein? Donc il est obligatoire que les actes d'adoration soient toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le verset dans sourate Al-An'am, dis-leur ya Muhammad, dis, ma prière, ce que je sacrifie, mes rites, hein, de pèlerinage, ma vie, ma mort, sont pour Allah, le souverain du monde. Hein? Et je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a pas d'associé. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أما الذي يعبد الله ببعض العبادات ويعبد غيره بأخرى من العبادات فهذا لم يؤمن بالله. Il dit حفظه الله تعالى quant à celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec certaines formes d'adoration et il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres formes d'adoration, Celui-là, il n'a pas cru en Allah. Celui-là, il n'a pas cru en Allah. كَالَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ وَيَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَكِنْ يَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ يَدْعُونَ الْأَمْوَاتِ وَيَذْبَحُونَ لِلْأَمْوَاتِ وَيَنْذِرُونَ لِلْأَمْوَاتِ وَيَطُوفُونَ بِالْقُبُورِ هؤلاء لم يعبدوا الله بل هم مشركون لأنه لا تجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا لا تجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا Il dit, Habibullah Ta'ala, il donne l'exemple. Il dit, comme ceux qui jeûnent, ceux qui prient, ceux qui font leur pèlerinage, et ils prononcent en même temps l'attestation de foi, mais ils demandent aux morts, ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent les morts, ils prient, ils égorgent pour les morts, et ils font des vœux pour les morts. C'est-à-dire, ils viennent à la tombe du mort, Il dit, si ma fille est guérie, si je réussis ceci, si j'ai cela, je vais venir, je vais jeûner pour toi 3 jours, là je vais changer les tapis de ton mausolée, ou je vais égorger pour toi une vache, ou ainsi de suite. Et aussi d'autres qui tournent autour des tombes, et ça existe dans l'islam, en Afrique du Nord, ça existe, hein? Un petit peu partout dans le monde, ce culte, l'adoration est vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens adorent les morts, et même des gens sont plus insensés que ça, ils adorent les fourmis, les cobras, les rats. Il y a un temple de rats en Inde qui est embelli par le meilleur des marbres du monde. Et c'est un temple construit pour les rats. Hein? Et donc tous ceux-là qui agissent ainsi, qui vouent des cultes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ils n'ont pas adoré Allah. Et ceux-là ils s'appellent des associateurs. Ils s'appellent des associateurs. Car l'adoration d'Allah ne peut pas être unie avec l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais de la vie. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء الله سبحانه وتعالى أنا أغنى عن الشركاء الله غني أن يكون له شريك وأن تشرك معه أحدا في العبادة ها وأن تشرك معه أحدا في أفعاله وفي صفاته ها وفي عبوديتك لله سبحانه وتعالى الله لا يقبل هذا الله يترك هذا لمن أشركت يتركك ومع من أشركت به et il est dit dans ce hadith قدسي الله رسول الله عليه وسلم dit que الله سبحانه وتعالى dit je suis au-dessus de tout associé qu'on peut me faire Et celui qui œuvre une œuvre dans laquelle il m'a fait un associé, je le laisse avec son associé. Je le laisse avec. T'imagines? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à vous. Dans une autre version, il est avec celui qu'il a pris comme associé, et je le dis à vous. Imagine quelqu'un qui est désavoué par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la yarda. أن يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادات بل يجب أن تكون العبادات كلها لله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور أو لفلان أو لعلان الدين كله لله الله سبحانه وتعالى لا يقبل كل فاس دسوسي Abadan. De n'importe quelle forme d'adoration, il n'accepte pas d'associer. Il est obligatoire que l'adoration soit réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, combattez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna. Le fitna ici, l'associationnisme. Combattez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna et que la religion soit accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible. Que la religion, qu'une partie de la religion soit pour Allah, une partie de la religion pour les statues, pour les tombes ou pour les morts, abadan, ou pour tel ou tel abadan, la religion doit être accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هاي هذا من شروط لا إله إلا الله، محبة لا إله إلا الله وإلا إله إلا الله، محبة وحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله عليه اللي اكتيام لجون de la sincérité, c'est-à-dire les gens qui réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu les prennes comme tes alliés, tu détestes l'associationnisme, et tu désavoues l'associationnisme, et tu détestes les gens de l'associationnisme et tu les désavoues. Et ça c'est ce que nous avons vu hier dans la septième condition de la ilaha illallah, qui est le fait d'aimer la ilaha illallah et d'aimer les gens de la ilaha illallah. Hein? يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذا من لازم التوحيد، من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي أن يحب ويناصر أولياء الله عز وجل وهم أهل التوحيد ويعادي ويبغض أهل الشرك لأن الله يبغضهم، فأنت تبغض من يبغضهم الله. أما الذي يقول أنا ما علي إلا نفسي ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس، نقول له، يقول له الشيخ الفوزان يرحمك الله، نقول له أنت ما كفرت بالطاغوت، الكفر بالطاغوت من لازمه معاداة أعداء الله وبغض أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ها إيه الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان دو نوزيخ en commentaire de ce passage du Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdullah rahmatullah il a dit ça ce que implique le monothéisme. Celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, qui réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et mécroit en tarot, en tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire qu'il soit l'allié des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il doit aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et il doit les faire triompher les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et être avec eux. Faire triompher les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont qui? Ce ne sont pas les associateurs, ni les mécréants. Ce sont les gens du monothéisme. Ce sont ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il doit désavouer l'associationnisme et les gens de l'associationnisme et les prendre comme ennemis. Et les détester parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les déteste. Et ne pas les aimer car Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. Mais si la personne dit, moi, je ne vais pas les désavouer, je ne vais pas les détester, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Moi, je m'occupe de moi-même tout simplement. Je ne rends mes crayons personne, je ne déteste personne. Cheikh Al-Fawzan lui dit, toi, tu n'as pas mécru en ta route. Tu n'as pas mécru en ta route, car le fait de mécroire en ta route implique de désavouer les ennemis d'Allah. Implique que tu détestes dans ton cœur les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite le verset comme preuve. Tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah en le jour de la résurrection, en le delà, mais des gens qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ennemis de son messager alayhi salatu wassalam, même s'ils sont leurs parents, leurs enfants, leurs frères, ou ceux de leur race, ou de leur tribu. ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم، أي انتظر العقاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين لأنهم خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. Il nous cite l'autre verset où il dit, dis-leur يا محمد, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, ceux de votre tribu, de votre race et de vos entourages, et la fortune que vous avez amassée, et le commerce dont vous avez peur, d'avoir peur de la faillite, et des maisons que vous agréez, que vous aimez tout ça plus qu'Allah, et plus que son messager, alayhi sallam, et plus que le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, attendez. Attendez quoi? Attendez le châtiment, attendez ce qui va vous arriver. Attendez jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les fasiqin. Le fasiq, c'est celui qui n'est pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés fusaq. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas, ils sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُوَالَاتِ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاتِ فِي اللَّهِ فَالَّذِي عِنْدَهُ النَّاسِ سَوَاءَ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ إنما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعادى في الله وأحب في الله وأبغض في الله عز وجل. Donc il est obligatoire de s'allier pour Allah subhanahu wa ta'ala et de désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala celui qui prend les gens au même pied d'égalité, les croyants et les mécréants. Celui-là, il n'a pas mécru en tarot, car le fait de mécroire en tarot, c'est de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. فيقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه يبين لك من طريقة من هذه من أين أتت هذه الطريقة. يقول وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. هذه ملة إبراهيم، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذه ملة إبراهيم، ونحن أمرنا بأن نتبعها. أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأمته بأن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد بن الوهاب دو نو مونتري دو فيان سيت فوا. Ou tu saches que cette voix, elle est ancienne. Hein? Il dit ça, c'est la voix d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et il est insensé, celui qui se détourne de cette voix. Hein? Qui est quoi? Qui est le fait de croire en Allah et de mécroire en tarot. Et de s'allier pour Allah et de désavouer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. فالله يقول الشيخ الفوزان حفظه الله فالله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي إفراد الله بالعبادة وترك ما سواه والبغض في الله والحب في الله ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء تبرأوا منهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ها؟ فالله سبحانه وتعالى إلى أنفوي المساج محمد عليه الصلاة والسلام avec la voix de Ibrahim عليه الصلاة والسلام qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah سبحانه وتعالى et délaisser tout ce qui s'adore en dehors de Allah سبحانه وتعالى et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah et de s'allier pour Allah et de désavouer pour Allah. Et ça c'est la voix de Ibrahim عليه الصلاة والسلام comme l'a décrit Allah سبحانه وتعالى dans ce verset. Vous avez le meilleur des exemples dans Ibrahim. Vous avez le meilleur des exemples dans Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont avec Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, est-ce que vous adorez? Ils ont dit à leur peuple quoi? Nous vous désavouons. Mais pas tout simplement, nous vous désavouons, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Hein? On ne vous reconnaît pas. entre nous et vous, il y a le désaveu, il y a la séparation, jusqu'à ce que vous croyez en Allah, uniquement. Hein? Ça, c'est Millat Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Hein? Ça, c'est la signification de croire en Allah et croire en Tarot. Mu'adat wa a'da illah. Wa al-bara'at minhum wa min dinihim. Faman lam yatabarra' minhum. فإنه ليس على ملة إبراهيم بل إن إبراهيم تبرأ من أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، الحب في الله والكره في الله عز وجل. إذن لا ملة لا فوض إبراهيم عليه الصلاة والسلام avec lequel a été envoyé محمد عليه الصلاة والسلام، c'est le fait de détester les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى، de les désavouer et désavouer leur religion. Car celui qui ne désavoue pas les associateurs, il ne désavoue pas leur religion, il n'est pas sur la voie d'Ibrahim a.s. Ibrahim a désavoué son père a.s. Ibrahim a désavoué son père. Hein? Comme il est dit dans le verset, quand il lui a apparu que son père était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les désavoue, il l'a désavoué complètement. Et ça, c'est la voix d'Ibrahim a.s. Aimer pour Allah et détester pour Allah. S'allier pour Allah et désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahmatullahi alayhi, wa hadihi al-uswatu التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إسا دي شيخ الإسلام محمد بن الله رحمة الله سي الإكزومبل سي الموديل. Ce modèle que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi ce modèle. Quand il est dit dans le verset, vous avez le meilleur des modèles et le plus noble des modèles, dont Ibrahim et ceux qui sont autour d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, on ne vous reconnaît pas entre nous et vous, c'est le désavou, hein? On vous déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah uniquement. Il les déteste pourquoi? Pour la fortune abadan, pour la foi en Allah, et pour le fait de mécroire en ta route. Il dit le Cheikh al-Fawzan, al-Uswa, ma'naha al-Qudwa. Wa awwal al-Sura, ya ayyuha al-lazina amanu. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا هو التوحيد، وهذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر بالطاغوت. ما يكفي أن تقول أنا أكفر بالطاغوت ولكن لا تنفذ هذا في أفعالك ولا تعتقد ذلك في قلبك، فهذا لا يكفي. الأسوة ici c'est le modèle, l'exemple à suivre. Le début de la sourate al-Mumtahana, hein, oh vous qui avez cru. Dit Cheikh al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala, une explication à ce passage. Il cite le début de la sourate. Il dit, où vous qui avez cru, il cite ce verset, où vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? Aux croyants. Il leur dit, ne prenez pas mon ennemi. Et votre ennemi comme allié, ne les aimez pas. Hein? Alors qu'ils ont mécru, hein, en ce qui vous a été amené. Comme vérité, ils ont fait sortir le messager alayhi salatu wassalam et vous-même parce que vous croyez en Allah. Ils vous ont sorti pourquoi? Hein? Pas, tout simplement pour votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que votre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si vous êtes sorti pour le combat pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne les aimez pas. Hein? Et ne cachez pas, hein, votre amour à eux. Hein? Je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui ce qu'il y a dans les cœurs, et c'est ce qu'on fait en public, et ce qu'on déclare. Et celui qui le fait parmi vous, il s'est égaré du chemin. Il s'est égaré du chemin. Jusqu'au verset, tout ceci c'est le début de la sourate Al-Mumtahana pour arriver au verset dans lequel il y a le modèle. Et vous avez le meilleur des modèles en Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça c'est le monothéisme. Ça c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le fait de me croire en tarot. C'est ce que ça veut dire. Ça suffit pas tout simplement de dire, moi je me crois en tarot. Et tu mets pas ça en application dans tes actes, et tu le crois pas dans ton cœur, ça ne suffit pas. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه de nous dit طاغوت c'est quelque chose de général. Tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée cette adoration, que ce soit quelqu'un qu'on suit, que ce soit quelqu'un dans lequel à qui on obéit, on doit, contrairement à on lui obéit dans des choses qui sont contraires à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarot. Quelqu'un qui conçoit, la personne conçoit, on lui obéit dans des choses qui sont en divergence avec les lois d'Allah et avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et lui il agrée tout ça, c'est un tarot. يقول الشيخ الفوزان فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فإنه يسمى طاغوتا من الطغيان وهو الخروج عن الحد. Il dit حفظه الله تعالى tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée cette adoration et accepte cette adoration, il est appelé Tarot, qui vient du mot Tourian, qui est le fait de dépasser ses limites. Et c'est le fait de sortir de ses limites. Fal ma'boud min al-asnam, wal autan, wal ashkhas, idara diya bidalika, aw il-matbou' fi ghayri ta'atillah. الذين يتبعون الكفار ويتبعون أهل الضلال هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام. Donc tout ce qui s'adore comme statue, comme personne, quand les personnes agréent le culte qu'on leur voue et tout ce qu'on suit, qu'on prenne comme modèle, qu'on les suit, et on les suit dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam, et ceux qui suivent les mécréants, et qui suivent les gens de l'égarement, ceux-là, ils n'ont pas mécru en tarot. Ceux-là, ils n'ont pas mécru en tarot. Alors qu'il est obligatoire pour eux, de suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui suit quelqu'un d'autre que le messager alayhi salatu wassalam, il n'a pas mécru en tarot. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour nous le fait de suivre le messager alayhi salatu wassalam. Et nous ne devons pas suivre quelqu'un d'autre que le messager alayhi salatu wassalam. فَالَّذِينَ يُحَرِّمُونَ الْحَلَالِ وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامِ هَؤُلَا يَجِبُ أَنْ نَعْصِيَهُمْ وَلَا نُطِيعَهُمْ ما نطيع إلا بطاعة الله عز وجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله إذا كان مطيعا لله أطعناه فإذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه. Donc ceux qui rendent illicite ce que Allah subhanahu wa ta'ala félicite et ceux qui font le contraire aussi, ils rendent tout ce qui n'est pas illicite, licite. Haoulaï, ceux-là, on doit leur désobéir. On ne doit pas leur obéir. On ne doit pas les suivre. On doit obéir dans l'obéissance. On doit suivre dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et obéir dans l'obéissance à Allah. Et non pas dans le contraire de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah, dans la désobéissance au Créateur. Donc il ne nous est pas permis d'obéir à une créature dans la désobéissance à Allah. et on obéit à la créature dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous ordonne d'obéir à Allah, mais quand il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'obéit pas, on ne le suit pas. Quand il nous ordonne de désobéir à Allah, on n'est pas d'accord avec, on ne le suit pas, on ne lui obéit pas. Et on arrête là, inshallah, pour ce matin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.